La descente. face qui porte portail Saint-Joseph là. Rue ça rue rue rue rue rue rue. Des remparts. Chauffeur bus cafou qu'on a viré. Oui, ça rile, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Traversier. Mais, digon l'autre nom encore, y'a de kon bali. Bagay longtemps, t'es tout petit. M'kon dans des grandes mapi. Yo elle li, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Katescalin. Même pas ou lumière ou y'a, dit foncé, dit foncé. Mais, des automobiles qui sortent en bas, non, rue de Miracle, là, bon, Canada, quand on va aller bouter. Mais puisque je fais quand même la lumière rouge, il met la lumière verte, donc il y a un droit de passage. Avec qui moun a fait religion? Avec chauffeur camion quoi. Go! Chauffeur camion quoi, des bons coups, bredel, bredel, détaché sur camion, se tomber dans ciment. L'aime tout ça, saucisse gaillé, saucisse voltigé, saucisse volée. L'aime d'où ça, hey. Mes gros c'est saucissio, mes longues c'est saucissio. Saucisse. Aïe aïe aïe. Mais, des gros femmes, malheureuses avec, qui déchita en bas galerie bata. Quand on est machin de pistache, machin de surette, on chita. Femme n'a fait le pas bon. Mais l'homme on passe au bal 10 centimes, 20 centimes, 25 centimes, il est bien content. Mais pendant que la détache, c'est quand même tombé dans le ciment, sans se taper voltige à gauche à droite. Mais gros son saucisse, mais l'homme gros saucisse, quand elle tombe dans l'estomac malheureuse là. Malheureuse là, pour bagaille ça, elle tombe dans l'estomac, moi. Si tout le monde va mourir, mes chauffeurs vont mourir. Prends précaution, non. C'est assez qu'une petite moune dans la rue ou à cause avec yo. Alors, par contre, quelques vieux français marron gagné, ou tombe pas la timoun yo, chéri yo. Pourquoi t'es loin, t'es caché, ou tombe de la détresse? Comment nous c'est ribaka, yo, comprends-moi? Tu commets à bien comprendre, non? Li bien tendé ou li di ou? C'est pour la maman. Il prend ti mais on le mène ou alka la mer. L'on verra la mer, ou cause avec la mer ou où son nom enfin. Ou on dit Jean Bagay, ou comprend la mer accepte ou. Mais la mer avise ou. Et tout de pourtant doit venir la kaili, c'est venu à 7h pour sortir à 8h. Oh, c'est comment c'est venu chita par la ménage, par la ménage. Bonjour m'chita, m'chita pour la ménage. Devenez beaucoup en monde, non? Alors comment arrive encore? Comment arrive encore? Ou débile de nous baisse encore? Pour grand monde l'autre bon système. Lors chita n'importe ça, ou pas la ménage ou, dis même chita n'importe en face pour la contrôler. Donc ou pas qu'un temps pour bon pour faire rien du tout. Mais un jour, quand même ça pose à Benali, devine pour grand monde non. Devine pour qui comme ça. Chance pour monsieur. Tu viens by blackout. Avec les monde bah ouais monde. Pendant ce temps là, j'ai tout profité. Petit bouche met dans bouche comme ça pour la braler ti la scaoul. Et puis le petit même met dans le stomac comme elle a pesé descend, nous comprenons nous déjà pour la dactylographie. Allez nous ça. Bah la vie trop bon pour monsieur aller qu'il est, Roman. Trop bon monsieur. Allez qu'il est, monsieur tombe fait jalousie. Ça lié parce que mon qui vient demander enseignement dans calage pour tu comme elle parle avec lui, ça seulement monsieur tombe fait jalousie. Mais c'est pas sérieux. Qui jalouse que vous faites? Qui mêle ou? Qui met le monsieur Joseph avec un tel a dégagé, il passe par là, ça va garder ou on va venir pour marier. Tout simplement, vin dans la c'est pour tirer, si parti pas ou pour aller. Maman, ça va garder ou que ne pas pour entrer là-dedans. Et pour nous, nous avons vraiment avec vous, une série de mots pour dire fia, que ça pour pas dire fia. Parce que ce petit mot qu'on s'en doit dire fia ou un petit fia. Qui sont comme j'ai arrivé de fia? Chérie. Chérie. Combien a-t-il de caoutchouc pompe? Qui a été usé votre jardin? Mais que des questions pas faites pour poser une fille, ça va garder. Sous un camarade de là, toute la journée la bambouche, ça va garder. Tout simplement mourir du boulot pour être parti pas pour aller. Comment, dans nos questions pas poser une fille, oh oui chérie, combien de types de caoutchouc pompe qui a été usé votre jardin? C'est pas sérieux, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Femme dodo. Troisième trimestre. Regardez non. Ouais, Mazon Belle. Gain deux qualités de Mazon Belle. Bon, Mazon Belle blanc. Il y a un petit tacté violette là-dedans. Mazon Belle, ça vient de manger depuis jeudi à bouger demain matin. Ou pas, j'en gagne rien, rien, rien. Bon, l'autre Mazon Belle qui gon couleur brique. Ça même c'est porté présenté. Sous fait trois jours à manger, regardez non. On qui j'en a fini. On a fini même avec tête moins. On a fini quand on a vu à son soir. Ah. Et puis on l'a barré encore. Monsieur. Monsieur Pontifi a mené en balle. En point. Les balles là préfini. Sans quoi dit comme ça. Au chéri. Pour m'emmener non en bas, non bien danser, non bien manger, non bien boire. Pour la wap sorti, m'ap sorti tôt. Wap courir, m'ap courir tôt. Wap saut tomber. M'ap tomber sous haut, m'ap faire comme ça. Wap faire comme ça tôt. Raï ça, vous comprenez. Mais il semble que, moi, mon petit Jean, quand vous m'avez dit, yon moun koti Jean manqué. Manqué, manqué. Founitu, founitu. Même les articles m'ont tombé crié, tu m'as demandé depuis l'autre jour, ou après demain, même dans le bal, c'est la qualité qui soit posée. Mais je dois arriver à reposer même question encore. Sous mon bagage pour dire, c'est pour dire, ou pas rien pour cacher. J'ai dit, chérie, bon, vous voulez nous la vérité, m'a tout toute bagaille. Béni, pas rien pour me cacher. Il ressemble que l'autre jour, pendant ma passe, mais sous vous, moi, mon petit Jean, quand vous m'avez donné au monde, mon petit Jean, manqué, manqué, manqué. Cheveux, et puis là, tombé cru encore. Oh, ok. Vous reposez même question encore. Et depuis là, je vous fais tout, tout bagaille. Je raconte tout bagaille. Si je dis, vous êtes capable de passer mes sous moi. Où est mon petit Jean? Jean, ouais, non. C'est maman qui a fait des bons manger ma zombelle. Femme dodo. Femme dodo. Femme dodo.